إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc nous continuons le cours concernant cet ouvrage du grand savant, le cheikh al-imam, le mufti Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz alayhi rahmatullah. Il dit rahimahullah: ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصار واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة والعلم. C'est pour cela que les ulama ont voyagé en toute contrée et qu'ils ont contacté, sont entrés en relation avec les ulama de tout endroit et de tout pays. Fafi Ahdi, pourquoi? Pour les leçons à prendre et le savoir à acquérir. Fafi Ahdi Sahaba, سافر بعض الصحابة من المدينة إلى مصر والشام وإلى العراق واليمن وإلى غير ذلك للفائدة ولنقل العلم. À l'époque des compagnons رضي الله تعالى عنهم, nous voyons certains compagnons voyager depuis la ville de Médine, vers l'Égypte, vers le Cham. Le Cham, c'est le Proche-Orient. C'est toute cette région qui comporte les quatre pays: la Jordanie, la Palestine, la Syrie et le Liban. Toute cette région, en arabe, on l'appelle Cham. Vers l'Irak, vers le Yémen et d'autres endroits, pour apprendre, acquérir et aussi pour propager le savoir. فتجد الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء ينتقلون من بلاد إلى بلاد ليسألوا عن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتتهم ولم يحفظوها. Et donc, tu vois certains parmi les compagnons, radiallahu anhum ajma'in, et ils sont les meilleurs des gens après les prophètes, voyager d'une région vers une région, d'un pays vers un pays, pour questionner, pour demander sur une sunna parmi les sunnas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui leur a échappé. qu'ils n'ont pas apprises. فبلغهم ذلك عن صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه. Donc lorsque on leur dit qu'un compagnon qui se trouve dans tel endroit, il a tel hadith, et ce sahabi ne l'a pas, ne le connaît pas, ne s'en rappelle pas, il va voyager jusqu'à cet autre sahabi pour prendre de lui ce hadith et l'écouter directement de lui. لِيَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَلِيَنْتَفِعْ بِذَلِكَ. Et donc, il va gagner bénéfice en agissant ainsi. وَلِيَنْقُلْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي اللَّهِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ. Et avec cela, il pourra lui le transmettre à ses frères en Allah parmi ceux qui leur ont succédé, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, les tabi'in, rahimahumullah. ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين. Puis est venue l'autre génération, après les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, et ce sont les ulama, les savants, parmi les tabi'in. هكذا فعلوا. Ils ont agi de la même sorte. ارتحلوا في العلم. Ils ont voyagé. Ils se sont déplacés pour le savoir. وساروا في طلب العلم. وتبصروا في دين الله. Et ils ont eu la clairvoyance dans la religion d'Allah. وتفقهوا على الصحابة. وسألوهم رضي الله عنهم وأرضاهم. Et ils ont appris et compris de la part des compagnons radiyallahu anhum, et ils les ont questionnés. Amma ashkala alayhim, ils les ont questionnés là où ils ne savaient pas, là où ils avaient un problème ou un souci à résoudre, à y chercher une réponse claire et évidente. Wa amilu bidhalik, et ils l'ont mis en pratique. Ce qu'ils ont appris, ils l'ont appliqué. Thumma naqalu dhalika ila man ba'dahum min atba'i at-tabi'in riwayatan wa dirayatan. Puis après donc avoir appris, compris, ils ont appliqué, et après cela ils ont transmis à ceux d'après eux, ceux qui sont venus après eux, la génération d'après qu'on appelle atba' at-tabi'in, les suiveurs des successeurs. Ils l'auront propagé et transmis cette science, que ce soit dans les termes al-riwaya, c'est la transmission des textes, et al-diraya, c'est la compréhension. Al-riwaya ou al-diraya. Al-rawi, c'est le rapporteur. Al-riwaya, c'est ce qui est rapporté, c'est la transmission. Al-diraya, c'est la compréhension. Et quand quelqu'un ne sait pas, il dit la adri. Hein? C'est la même racine. ثم هكذا أتباع التابعين. Et il en était aussi ainsi pour les أتباع التابعين. نقلوه لمن بعدهم. Ils l'ont transmis aux générations après eux. ثم ألفوا كتبا عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية. Et ils ont compilé, ils ont écrit des ouvrages énormes et grandioses dans ces sciences du hadith, du tafsir, l'explication, le commentaire du Coran, et dans la langue arabe. وَغَيْرِ هَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ. Et aussi, il en est de même pour les autres sciences parmi les sciences religieuses. حَتَّى بَصَّرُ النَّاسِ. Jusqu'à qu'ils ont donné clairvoyance aux gens. وحتى أرشدوا إلى الطريق السوي. Et jusqu'à qu'ils les ont dirigés vers le chemin droit dans toute sa rectitude. وحتى علموهم القواعد الشرعية التي بها يعرف كتاب الله وبها تعلم معانيه وبها تحفظ السنة وبها تعلم معانيها. et ils leur ont enseigné les règles religieuses par lesquelles on pourra comprendre et connaître le livre d'Allah, et connaître son sens, et connaître et pouvoir mémoriser et apprendre la sunna et en connaître son sens. وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى هدى وعلى نور. Et avec cela, on peut atteindre la mise en pratique. On peut accéder à la pratique du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sur une clairvoyance, sur une connaissance, une science claire et évidente, et sur une guidée et sur une lumière. Fajazahumullah an dhalika khayran. وضاعف لهم الأجور وضاعف لهم الحسنات ونفعنا بعلومهم جميعا وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كالله تبارك وتعالى لغتربو de la meilleure des manières. كالله تبارك وتعالى multiplie et augmente leur récompense. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur augmente leurs bonnes actions et qu'Allah nous rende bénéfique leur science de tous et qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous protège tous contre les maux de nos propres personnes et les mauvaises actions que commettent nos membres du corps. Et ceci nous rappelle ce qu'a écrit Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans cette risala, dans cette épître énorme, grandiose, qui est al-usul al-thalatha wa adillatuha, les trois fondements de base et leur, avec les preuves, et qui est un livre très important et de base dans la croyance, dans l'aqida, que doivent étudier, chercher à comprendre, et pour ceux qui le peuvent, mémoriser parmi les membres de la communauté. Ce sont les trois questions importantes, vu que c'est les trois questions qui te seront posées dans ta tombe, que tu dois connaître la réponse à ces questions. Et Cheikh l'Islam Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah, il a écrit cet ouvrage où il répond à ces trois questions. من ربك وما دينك ومن نبيك. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il commence son livre par des points essentiels avant d'entrer dans le vif du sujet. Et certains savants disent que les points essentiels qu'il va citer avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, que c'est un message qui est externe à l'usul al-thalatha, mais que certains parmi ses élèves ou ses enfants et disciples l'ont mis juste avant parce qu'il faisait bonne introduction pour le livre. Et dans le début du livre, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? Il dit « I'lam rahimakallah ». أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc il dit: sache, ô toi le musulman, ô toi qui lis cet ouvrage, qu'il incombe qu'Allah te fasse miséricorde. Le shir, il s'y prend d'une manière douce et tendre. Il attire l'intention en lui disant: i'lam, sache. Ça, c'est une des manières d'attirer l'intention à la personne. Et on retrouve cette façon de faire dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il fait la dua à la personne. Il lui veut du bien. Il veut qu'Allah le prenne dans sa miséricorde. Qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est un devoir pour nous tous, tous les musulmans, d'apprendre quatre choses. La première, la science, le savoir, qui consiste à connaître Allah, à connaître sa religion et à connaître son prophète avec les preuves. Subhanallah. Avec les preuves, avec les dalils. Ah, comme certains sectaires égarés, hein, qui montrent un certain dégoût. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de tout mal. D'entendre des gens demander quelle est la preuve. Ils en ont marre. Pourquoi on nous demande la preuve? La ilaha illallah. Et là, vous entendez, il dit ma'al adillati, avec les preuves. Avec les preuves. Deuxièmement, sa mise en pratique. J'apprends, je pratique. Troisièmement, appeler à cela. Tu as appris, tu as pratiqué, tu invites à cela. Quatrièmement, tu seras face à des obstacles. Tu auras à vivre des moments peut-être difficiles. Donc, de patienter face au mal qui en découle. La preuve de cela est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps, l'homme est voué à la perdition. Sans aucun doute. Évidemment que l'homme, il va vers sa perte. Sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli les bonnes œuvres, qui se sont conseillés mutuellement la vérité et qui se sont conseillés mutuellement la patience. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit: si Allah n'avait fait descendre comme sourate que celle sourate du Coran, elle aurait suffi. Suffisante, car elle comporte les enseignements de la religion. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit, chapitre, dans son sahih, dans l'authentique de l'Bukhari, chapitre, la science avant la parole et l'acte. Avant de parler, avant d'agir, je dois savoir quelle est la loi d'Allah là-dessus. Quel est le jugement là-dessus? Ai-je le droit? Est-ce que cela m'est demandé ou pas? La science avant la parole et l'acte. La preuve est la parole d'Allah dans le sens du verset: sache, il faut que tu en aies la science. Sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, puis demande pardon pour toi-même. Puis le Bukhari, rahimahullah, a dit, il a fait passer la science avant la parole et l'acte. Donc c'est ce qu'on vient de voir dans cette explication que nous donne le cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, lorsqu'il nous parle comment ont agi les compagnons, les tabi'in, les atba' tabi'in. Ils vont à la recherche de la science. Une fois qu'ils l'ont, ils l'ont compris, ils l'ont apprise, ils la pratiquent et puis ils la transmettent. طيب، في الشيخ رحمه الله دي، ومما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم. Et entre dans cela, dans cette quête de la science. On a entendu les voyages que faisaient les pieux prédécesseurs pour les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, pour prendre et donner dans la science, d'assister au cercle de science, aux assises, aux assemblées de science. لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Car elle fait partie des méthodologies connues des gens de science. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هِيَ رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith authentique: lorsque vous passez près des jardins du paradis, alors prenez assise dans ces jardins. Arrêtez-vous dans ces jardins. Les compagnons, radiallahu anhum, ont demandé au messager d'Allah: qu'est-ce que les jardins du paradis? Il dit, alayhi salatu wassalam, les cercles de science. Les cercles de science. Et donc, c'est bien les moyens qu'on a aujourd'hui, technologiques. Quelqu'un depuis chez lui, il peut écouter des... Mais certains en profitent pour se priver de gagner la bénédiction des assises. Tellement que les gens cherchent une facilité que ils perdent beaucoup de récompenses et beaucoup de bénédictions. Ce n'est pas pareil de se préparer, de sortir de chez soi, de faire les pas vers la mosquée et de s'asseoir pour écouter. Vous ne savez pas tout le khair qu'il y a dedans. Et toutes ces actions accomplies et tous ces gestes accomplis, Allah tabarak wa ta'ala te donne beaucoup de hasanat et beaucoup de baraka que tu n'auras pas en restant chez toi. Là, on parle d'une personne qui a cette possibilité. De l'autre, certaines personnes ne peuvent pas se déplacer pour X raisons valables. Celui-là, il remercie Allah de lui avoir mis à disposition ses moyens modernes qui lui permettent quand même, s'il n'a pas tout eu, il peut avoir une part. Mais que quelqu'un fait l'handicapé alors qu'il ne l'est pas, c'est un problème. Excusez-moi du terme. Mais certains, vu leurs agissements, c'est comme quelqu'un qui a toutes ses forces, mais il fait l'handicapé, il ne travaille pas. Il se cherche une excuse pour ne pas aller travailler, alors qu'il rien ne l'empêche d'aller travailler. Et il préfère être à la merci, soit de la société ou de la famille. Celui-là n'est pas le plus adorateur des gens, et n'est pas le meilleur d'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mieux vaut qu'une personne aille dans la forêt, dans le lieu où il y a des arbres. Il coupe les arbres, il coupe du bois, et il vient à le vendre. C'est rude, c'est dur comme travail, mais c'est à la sueur de ton front que tu gagnes ton argent. Qu'il tente sa main, que les gens lui aient donné ou ne lui aient pas donné. Faut pas. Et tendre la main, beaucoup tombent dedans, en pensant qu'ils ne le font pas. Lorsque vous demandez des aides à telle administration, c'est une façon de tendre sa main. Subhanallah. Quelqu'un qui se contente du RSA, d'aide, c'est pour une période. C'est le temps que tu puisses retrouver un emploi. Mais non, il va se contenter de ça. Ça, c'est pas un bon musulman. Le musulman fort, le musulman qui travaille, est bien meilleur que l'autre. Et la main la plus haute est meilleure que la main la plus basse. Sois le donateur, ne sois pas celui qui tend sa main. Subhanallah. C'est important. C'est très important. On est un homme jusqu'au bout. Alhamdulillah, je suis en bonne santé, rien ne m'empêche. Alhamdulillah, je. Si pendant longtemps je n'ai pas trouvé de travail, il est où le problème? Je n'ai pas accès aux tablettes préservées auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Je ne sais pas ce qui m'est réservé pour le lendemain. Nulle âme ne sait ce qu'elle va acquérir le lendemain. Et rien ne me disait que demain je devais trouver ou pas trouver. Je fais les causes. Je m'occupe de ce qui m'est demandé. Et ce qui est auprès d'Allah, je le laisse à Allah, subhanahu wa ta'ala. Je n'entre pas dans le domaine du destin, subhanallah. Et le destin, j'y crois, qu'il soit bon ou mauvais. Alhamdulillah. Moi, je fais ce qu'il m'est demandé. C'est comme pour les doigts. Il nous est demandé quoi? De faire des doigts. Pourquoi certains se préoccupent? Quand est-ce que ça va être exaucé? On s'occupe de là où on n'est pas maître. On ne peut pas entrer dedans. Et au même moment, ça nous amène à délaisser ce qui nous est demandé. Et je dois faire les doigts. Et j'ai une confiance totale en Allah, une certitude qu'Allah va me donner ce que j'ai demandé. Moi, je fais les causes. Et Allah sait mieux que moi ce qui est un bien pour moi. Allah, tabarak wa ta'ala, ne va pas me donner ce que je demande, mais il va éloigner de moi un mal. Allah, tabarak wa ta'ala, va me garder cette demande pour l'au-delà. Et lorsque je vais voir ce qu'Allah m'a réservé, je serai heureux. Subhanallah. Donc le musulman, il est dans un apaisement et une tranquillité et il a une confiance totale en Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah nous demande, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et lorsque mes serviteurs te demandent après moi, je suis proche d'eux. C'est ça qui nous est demandé. Et on perdrait moins de temps. Subhanallah, on irait à l'essentiel. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui prend un chemin pour y acquérir une science, pour chercher une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Tout le monde voudrait entrer au paradis. Quelles sont les causes pour entrer au paradis? Ben, c'est de chercher la science. Ça, c'est une des causes. Ça, c'est un des moyens pour entrer au paradis. C'est de chercher la science. Tu cherches la science, là, tu es en train d'entreprendre un moyen qui va te faire entrer au paradis. Subhanallah. Et en plus, lorsque tu agis ainsi, les anges, par agrément de ton geste, posent leurs ailes sur ton chemin. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, invoquent Allah pour qu'il te pardonne. Subhanallah. C'est énorme. Les ulama sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, aucun bien mondain. Mais ils ont laissé le savoir. Celui qui l'a pris a vraiment pris d'une grande part. Le grand gain, ils l'ont pris. Et c'est pour cela qu'un jour, Abu Huraira, radiallahu anhu, il va au marché. Et il voit les gens dans leurs transactions. Et il leur dit, vous êtes là, alors qu'on est en train de partager l'héritage du prophète dans la mosquée. Ils ont laissé leurs transactions, ils sont partis à la mosquée. Et ils sont revenus. Il me dit, oh Abu Huraira, nous t'avons entendu dire ça, nous sommes partis, mais on n'a rien trouvé. Il leur a dit, vous êtes sûr que vous n'avez rien trouvé? Si, on a vu des cercles de science ici et là dans la mosquée. Il a dit, c'est ça l'héritage du prophète qui est en train d'être partagé. Et vous, vous êtes là. Parce que cette science que les Sahaba donnent, c'est la part d'héritage qu'ils sont en train de donner. Subhanallah. Allez prendre votre part d'héritage. C'est important. وقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et Allah, exalté soit-il, a dit, dans le sens du verset, et demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. adab, les bons comportements, même dans les études. L'étudiant, comment il se comporte. Il y a des livres écrits par des imams, des ulama, fil hadith, dans la science. Ils donnent les recommandations et les conseils. Subhanallah. Adabul mufti wal mustafti. Les bienséances, les bonnes manières du mufti, celui qui répond. Et du mustafti, celui qui pose la question. Subhanallah. Al-Sami', aidan, le kitab, l'imam, le khatib al-Baghdadi, Adamu al-Sami', un livre aussi pour celui qui est à l'écoute du hadith du prophète sallam, celui qui va à l'étude. Subhanallah. Il y a des manières à apprendre. Comme ça, lorsque tu te présentes face au professeur, face au shir, face au alim, tu sais comment te comporter. Subhanallah. Tu sais comment questionner, poser les questions. Quel est le moment propice pour demander? Ça, c'est important. Ce n'est pas un jeu. La religion n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas avec la religion. Comme l'a bien dit l'imam Malik, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik? Si tu veux jouer, ne joue pas avec la religion. Joue avec autre chose, mais pas avec la religion. On ne joue pas avec la religion. Lorsque je viens voir un shir, un alim, je pose des questions claires. Réellement, j'ai besoin de poser cette question. Réellement, je la pose parce que dans le public, ils en ont besoin. Je connais la réponse, mais venant de sa part, ça va être un enseignement pour eux. Donc j'en profite pour lui demander pour qu'il leur enseigne. Ça aussi, c'est une très bonne manière. Bien, une bonne attention et aussi, il y a un bénéfice, il y a un intérêt pour le public. Comme a fait l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Et vous connaissez le hadith, hein, le hadith de Jibril alayhi salam. Hein, il est connu, célèbre. C'est le hadith qui est dans Sahih Muslim et même dans le Bukhari, rapporté par d'autres. Et ce hadith, c'est quoi la base de ce hadith? Ces deux hommes qui sont dans la ville de Basra, en français Bassora, une des villes de l'Irak, qui est pas loin de la frontière du Koweït, d'où est originaire le grand imam des Tabi'in, Al-Hassan al-Basri. Deux hommes ont entendu des gens commencer à dévier, à s'éloigner dans le domaine du destin, Al-Qadr. Il n'y a pas de destin, ils ont dit, que tout n'est le fruit que du hasard. Jusqu'à dire que Allah ne sait pas une chose tant qu'elle n'a pas eu lieu. Il ne sait pas avant. Wal-iyadhu billah. Alors que le destin est le secret d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Une porte fermée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il faut qu'on aille rapporter cela au premier compagnon qu'on rencontre. Regardez, subhanallah. Donc, il faut chercher plus savant pour lui exposer le problème. Et ils ont décidé d'aller à la Mecque pour le Hajj ou la Umrah. Et ils arrivent à Mina et ils rencontrent qui? Dans la mosquée de l'Khaif. Dans la mosquée Al-Khaif, elle est connue, c'est la mosquée qui est à Mina. C'est un endroit sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 70 prophètes ont prié dedans. Il trouve Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, l'honorable compagnon, fils de l'honorable compagnon, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma. L'un se met à sa droite, l'autre se met à sa gauche. Et l'un a dit: j'ai su que mon compagnon me laisserait prendre la parole, donc j'ai parlé. Et il va lui dire: on vient d'Irak, de l'Basra, et chez nous sont apparus des gens qui disent ceci et cela sur le destin. Abdullah ibn Omar dit: par celui qui détient l'âme de Abdullah entre ses mains, dites à ces gens que je me désavoue d'eux et eux se désavouent de moi. Je suis innocent d'eux. Et ils sont innocents de moi. C'est-à-dire, je n'ai rien à voir avec eux, ils n'ont rien à voir avec moi. Wallahi, par Allah, que si ils viennent à donner l'équivalent de Uhud en or, en aumône, cela ne sera point accepté d'eux jusqu'à qu'ils croient au destin bon et mauvais. S'ils ne croient pas au destin, l'aumône n'est pas acceptée d'eux. Les œuvres ne sont pas acceptées d'eux. Car j'ai entendu mon père, et son père c'est Omar, radiallahu anhu, dire, et là il ramène le hadith de Jibril. Bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idh tala alayna rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad shar la yura alayhi athar safar ولا يعرفنا ولا يعرفه منا أحد حتى إذ جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. عمر رضي الله عنه et dans l'40 النووية on ramène directement le rapporteur du hadith عمر عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه. Il a dit, alors que nous étions dans une assise, une assemblée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est arrivé, des vêtements, portant des vêtements très blancs et avec la chevelure complètement noire. Personne parmi nous ne le connaissait et on ne voyait pas en lui les traces du voyageur. Donc la personne, elle est vraiment étrange sur étrange. Subhanallah. Personne ne le connaît et on ne voit pas en lui les traces du voyageur. Jusqu'à qu'il s'est approché du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En plus d'être un étranger que personne ne connaît, et en plus de cela, on ne voit pas en lui les traces du voyageur, il a traversé tous les rangs. Jusqu'à coller le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les genoux contre les genoux. Et il a posé ses mains sur ses cuisses. Et il a dit, ô Mohammed. Et en plus, il l'interpelle par son prénom. Quelque chose d'inhabituel chez les compagnons. Informe-moi sur l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan rasulullah, wa tuqima al-salah, wa tutiya al-zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqt. Qala Umar. فعجبنا له يسأله ويصدقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par les cinq piliers de l'islam. Que tu attestes que nul n'est adorant en vérité si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Tu accomplisses la salat, tu donnes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage vers la maison sacrée si tu en as les moyens et la capacité. Cet homme a dit, tu dis vrai. Omar a dit, nous étions étonnés. Il pose des questions et il affirme la réponse. Alors que pour habitude, le questionneur est censé ne pas connaître la réponse. Il doit ignorer la réponse. Mais là, il affirme donc la réponse. Il lui a dit, alors informe-moi maintenant sur la foi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre par les six piliers de la foi. Qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa al-yawm al-akhir. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qala sadaqt, il lui a dit, tu dis vrai. Et là, dans ce passage-là, il y a la preuve, l'argument que voulait Abdullah ibn Omar lorsqu'il parle à ces deux hommes qui nous racontait ce qui se passe à Al-Basra. Al-Shahid Huna. Qala fa akhbirni anil ihsan. Il lui a dit alors, informe-moi sur l'ihsan. L'adoration par excellence. Il lui a dit, an ta'bud Allah, et celle-là, elle comporte qu'un seul pilier. An ta'bud Allah, ka annaka tarah, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si toi, tu ne le vois pas, alors sache que lui, il te voit. Il lui a dit, informe-moi sur l'heure. Quand est-ce qu'elle va venir la fin du monde? قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Il lui a dit عليه الصلاة والسلام, ni le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Ni moi ni toi, on ne connaît pas. Le prophète, si, il a qui en face de lui? Les sahaba, à ce moment-là, ne savent pas c'est qui. Subhanallah. Il lui a dit, le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Il lui a dit, informe-moi sur ses signes. Et ici, le prophète, à titre d'exemple, il va lui énumérer deux signes parmi les petits signes de la fin des temps. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Et aussi, lorsque tu verras les bergers, bédouins, qui marchent pieds nus, à moitié nus, c'est-à-dire qu'ils ont le minimum de vêtements pour se couvrir, ils n'ont pas grand-chose. Les bergers de troupeaux, ils ont quelques brebis, quelques chèvres, quelques moutons, quelques agneaux avec eux dans le désert. Donc c'était des gens qui vivaient de cette manière-là. Voilà ce qu'ils possédaient. Tu les retrouves se concurrencer dans la construction. Les étages des immeubles et des constructions. Si l'un il en fait 5, l'autre il en fait 8. Et il monte, se concurrencer. Entre parenthèses, Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, dans l'explication de ce hadith, il dit, ce n'est pas tout ce qui est cité comme signe de la fin des temps que cela, il en découle que c'est une chose mauvaise. Non, rien n'interdit de construire des immeubles, qu'ils soient hauts ou pas. C'est seulement que lorsque cela va arriver, c'est un des signes de la fin des temps. C'est un des signes de la fin des temps. Thumma talaq, falabithna maliyya. Puis il est parti. L'homme, il a posé ses questions, il s'est levé, il est parti. Et il y a eu un silence. Falabithna maliyya, pendant un laps de temps, il y avait un silence. Vous voyez le genre de silence où les gens au fond d'eux se posent des questions. Voilà, c'est un silence pendant un certain moment. Et dans d'autres récits, versions, il est dit que le prophète sallam a envoyé des compagnons le chercher. Aller à la recherche de cet homme. Lorsqu'ils sont partis, il a disparu. Il n'était plus là. Ils n'ont pas trouvé trace de cet homme. Et le prophète sallam regarde Omar et lui dit « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ Ou Omar, tu sais c'est qui le questionneur ?»« قال قلت الله ورسوله أعلم » Il a dit, j'ai dit, Allah et son messager en savent plus. « قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » C'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Comment ? En me posant des questions. Il pose des questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète y réponde. Voilà, il aura. Et ça, c'est un hadith qui englobe tout l'islam. C'est, on l'appelle même la mère de la sunna. La base, la source de la sunna. Umm sunna. Hein, vu tous les enseignements qu'on retrouve dans ce hadith, qui est une très grande importance. Puis le cheikh rahimahullah nous dit, فَهَذِهِ أَشْيَا مُهِمَّةَ تَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ وَالْفُقَهَا. Donc ces questions, elles sont importantes. Elles concernent le fiqh et les fuqaha, la jurisprudence et les jurisconsultes, la science et les savants, وَبِطَلَبِ الْعِلْمِ فِي الْمَسَاجِدِ et de la quête du savoir dans les mosquées, وَبِالرِّحْلَ إِلَى الْبُلْدَانِ الَّتِي فِيهَا الْعُلَمَاءَ الْمَعْرُوفُونَ بِالْإِسْتِقَامَةِ et aussi de voyager et d'aller vers les savants connus pour leur droiture. كُلُّ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ تَحْصِلِ الْعِلْمِ tout ceci font partie des moyens d'acquérir la science. وَمِنَ الطُّرُقِ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْهِ et parmi les moyens et les méthodes entreprises pour l'atteindre. وَصَاحِبُهَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم et celui qui agit ainsi, il entre dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ celui qui entreprend un chemin pour y acquérir une science, Allah lui en facilite un pour le, vers le paradis. فَإِذَا سَأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ أو سافر إليهم في بلادهم أو زارهم في بيوتهم وفي المساجد فقد سلك طريقا يلتمس في علما. Donc lorsqu'il questionne les gens de science, lorsqu'il voyage vers leur pays, leur région, lorsqu'il les visite dans leur maison ou dans les mosquées, alors il a entrepris un chemin dans le, vers le, par lequel il recherche une science. وَذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ Et les gens de science citent aussi أَنَّ مِنَ الطُّرُقِ الْمُعِينَةِ عَلَى حِفْظِ الْعِلْمِ كِتَابَتُهُ Parmi les moyens qui permettent et les causes qui permettent de sauvegarder et de mémoriser la science, c'est de l'écrire, de la retranscrire. وَالْعِنَايَةُ بِحِفْظِهِ Et de donner du temps pour cet apprentissage. كَمَا فَعَلَ سَلَفُنَا الصَّالِحِ رحمهم الله ومن بعدهم من أهل العلم comme l'ont bien fait nos pieux prédécesseurs qu'Allah leur fasse miséricorde ainsi que les gens de science après eux كل هذا من وسائل تحصيل العلم tout ceci fait partie des moyens d'acquérir la science ومن الطرق الموصلة إليه et parmi les méthodes et les moyens pour l'atteindre كما أن الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد ومن مسجد إلى مسجد ومن حلقة إلى حلقة ومن بيت عالم إلى بيت عالم لطلب العلم وللتفقه في الدين كل ذلك أنواع وطرق من طرق تحصيل العلم et aussi de voyager et de se déplacer d'un pays à un pays d'une région à une région d'une mosquée à une mosquée d'un cercle de science à un autre cercle de science Tout ceci pour y acquérir une science et d'une maison d'un savant vers une autre maison d'un savant pour acquérir la science et comprendre et avoir la compréhension dans la religion, tout ceci sont des moyens et des méthodes pour acquérir la science. Wa hiya dakhilatun fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma al-hadith et elle entre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit celui qui entreprend un chemin pour acquérir une science le hadith wallahu waliyut tawfiq et c'est Allah qui accorde la réussite wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi et que la prière d'Allah ainsi que ses salutations soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons ici se termine cet écrit du grand savant le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz alayhi rahmatullah et à la base c'était une conférence qu'il a donnée dans la grande mosquée le grand Jami' de Riyad le 27/4/1400 à peu près en 1980 il y a de cela près de 40 ans rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين